Bonjour, je m'appelle Joaquin et je vais vous présenter la lecture. Lui passe une grande partie de son temps libre à regarder des séries sur Netflix ou des vidéos sur YouTube. Il aime les séries qui font réfléchir sur la vie et dont les personnages sont complexes. Pour lui, ça n'a pas d'importance que la série soit récente ou non. Ce qui compte, c'est la qualité du scénario. Les séries qu'il a préférées jusqu'à maintenant sont La Casa de Papel et Squid Game. La Casa de Papel raconte l'histoire d'un cambriolage et d'une prise d'otage spectaculaire à la fabrique de la monnaie à Madrid. Il regardait toutes les saisons, mais il n'a vraiment aimé que les deux premières. Quant à Squid Game, c'est une série coréenne. C'est l'histoire des participants à un jeu qui risque la vie pour gagner. Tous les participants âgés sont soit ruinés, soit très endettés, ce qui fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Cette série lui a donné une toute autre image de la Corée et il compte bien à regarder plus de séries coréennes et japonaises dorénavant. Les derniers temps, il apprécie et particulièrement une série qui s'appelle Stranger Things. C'est une série de science-fiction qui part dans un monde parallèle, dans un village aux États-Unis pendant les années 80. Les séries s'inspirent beaucoup d'univers de Lovecraft, Spielfield et Stephen King. Et ce sont des univers que lui adore. Il va déterminer la quatrième saison. Hésite un peu à regarder la suite. Souvent, il est déçu par les nouvelles saisons. Lui ne regarde pas que des séries. Les documentaires les passionnent, surtout ceux qui parlent des sports ou des natures. Il y a aussi plusieurs films qu'il voudrait voir, mais pour cela, il doit s'abonner à des autres plateformes et malheureusement, il n'a pas les budgets pour ça.